Hors agglomération, les véhicules de transport en commun sont censés faciliter le passage des véhicules plus petits. Mais en agglomération, c'est le contraire. Les véhicules légers doivent, en toute occasion, aider les conducteurs de transport en commun à circuler facilement. Cet autobus est déjà bien engagé dans l'intersection. Je m'arrête et le laisse finir sa manœuvre. Réponse B.